Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un canular qui vit la vire à la malédiction Boris Vian et son double, Vernon Sullivan. Âgé de 26 ans, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'auteur de L'écume des jours est l'une des figures emblématiques de cette jeunesse parisienne en mal de repères, bien décidée à repenser le monde d'après. Trompettiste de talent, critique de jazz reconnu, ingénieur brillant, celui que l'on surnomme alors le prince de Saint-Germain-des-Prés, peine pourtant à s'imposer dans son domaine de prédilection, la littérature. C'est alors qu'il accepte de relever un défi improbable, écrire un roman à des années-lumière de son style, en se faisant passer pour un autre, Vernon Sullivan. C'est ainsi que Vian invente son double le plus mémorable, un écrivain d'origine afro-américaine qui, dans son roman intitulé « J'irai cracher sur vos tombes », dénonce sans détour la violence de la ségrégation qui sévit alors aux États-Unis. Cette mystification, parmi les plus célèbres de la littérature française, est un pari rocambolesque qui bascule progressivement dans le malaise, à tel point que l'on s'interroge, Boris Vian a-t-il été étouffé par son double ? Notre invitée aujourd'hui, Christelle Gonzalo, libraire, spécialiste de l'œuvre de Vian, auteur du livre intitulé « L'anatomie du bison, chronobio-bibliographie de Boris Vian », paru aux éditions des Cendres en 2018. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Bettina Lioré, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Paris, 10 juillet 1946. Sur les Champs-Élysées, trois hommes se rejoignent dans la file d'attente d'un cinéma. Ce soir-là, Georges Dalloin, bassiste de jazz dans un orchestre de la rive gauche, a invité son confrère, le trompettiste et écrivain Boris Vian, 26 ans, à une séance de cinéma. C'est l'occasion de lui présenter son frère, Jean Dalloin, qui a 21 ans et le plus jeune éditeur de la capitale. En attendant leur tour au guichet, Boris et Jean commencent à tisser un lien. Mais l'éditeur connaît déjà le travail du jeune Boris, dont il a lu les deux premiers romans, notamment L'écume des jours, déjà à la mode. Alors, ce prix de la Pléiade, lui demande Jean, tu l'as eu ? Eh non, répond Boris, d'un regard à la fois doux et triste. Certains disent même que ce n'est pas de la littérature, lâche-t-il, visiblement déçu. Les deux frères, compatissants, tentent de le rassurer. Son talent ne fait aucun doute. Non, il est simplement en avance sur son temps. Voilà, c'est tout. Le surréalisme, l'absurde, c'est l'avant-garde. Un jour, ils comprendront, lui disent-ils. Boris Vian esquisse alors un sourire de politesse. Il aurait tout de même aimé être reconnu par le milieu littéraire, mais c'est ainsi. C'est ensuite au tour de Jean Dalloin de se livrer, et ce n'est pas plus gai. Les affaires vont mal aux éditions du Scorpion. Les livres ne se vendent pas, les caisses sont vides. À ce rythme-là, il faudra bientôt mettre la clé sous la porte. Ce qu'il me faudrait, dit-il, c'est un best-seller, tu vois. Un truc sulfureux à la Miller, quoi. Les polars américains, y a que ça qui marche en ce moment. Et une idée lui traverse l'esprit, à moins qu'elle ne fût préméditée avant l'invitation au cinéma. Et si Vian acceptait d'écrire un roman noir, façon Peter Cheney ou James Hadley Chase, les deux auteurs de romans policiers qui font les beaux jours de la collection Série Noire chez Gallimard. Ça ferait un tabac, à coup sûr, et puis, avec son talent, ce serait du tout cuit. Boris le regarde étonné, réfléchit un court instant et répond, d'un air amusé, « Eh ben c'est d'accord, laisse-moi 15 jours et je t'écris un polar. » Mais, ajoute-t-il, pour que ça prenne, il faudrait faire croire que l'auteur est américain, tu vois, officiellement. Moi, je ne serai que le traducteur. Entendu, lui lance Dalloin. Sur quoi les trois compères, pas peu fiers de leur idée, achètent joyeusement leur ticket de cinéma et disparaissent dans l'obscurité de la salle. Trois semaines plus tard, le 5 août 1946, Boris Vian, sa femme Michel et son fils arrivent chez leur ami Claude Léon, qui les a invités à passer quelques jours dans sa maison de vacances, à Saint-Jean-de-Mont, en Vendée. Mais le petit Patrick, 4 ans, déclare les oreillons carabinés. Alors après le dîner, Boris installe un bureau au chevet de son fils endormi, y dépose sa machine à écrire et se lance dans l'écriture du polar qui commence par ces mots. Je m'appelle Lee Anderson. Personne ne me connaît à Buckton. Avec mon dollar, la lettre de Clem, c'est tout ce que je possède, avec ma valise et le revolver du gosse. Un malheureux 6.35 bon marché. Il était encore dans sa poche quand le shérif est venu nous dire d'emporter le corps chez nous pour le faire enterrer. Le père et le frère de la fille s'étaient chargés de lui. Peut-être vais-je m'en sortir. Me voilà devant la librairie. Il y a du soleil. 15 jours plus tard, le roman est terminé. C'est l'histoire d'une vengeance, celle de Lee Anderson, un métis, dont le jeune frère noir a été assassiné par des blancs pour avoir aimé l'un des leurs. Boris le lit à sa femme, Michelle. Elle m'a dit que j'étais un sale nègre, que Dexter lui avait dit et qu'elle était venue avec moi pour prévenir Jean. J'ai rigolé encore et je lui ai répondu que les blancs avaient descendu mon frère et qu'elle allait y passer. Je l'ai giflé à mort. Elle a ouvert les yeux de nouveau et je les voyais briller de larmes et de rage. Je me suis penché sur elle. Je l'ai mordu en plein entre les cuisses. J'avais la bouche remplie de ses poils noirs et durs. Elle gueulait comme un porc, des cris à vous donner la chair de poule. J'ai serré les dents de toutes mes forces. J'ai senti le sang me pisser dans la bouche. Quand elle n'a plus bougé, j'avais les genoux qui tremblaient. Et j'ai eu peur de tourner de l'œil à mon tour. Le récit est court, percutant et contient tous les ingrédients du best-seller. Le sexe et la violence, bien sûr, mais aussi une thématique moins attendue, celle du racisme et de la ségrégation. Pour le titre, Boris propose « J'irai danser sur vos tombes ». Mais Michel le juge un peu mièvre. Elle suggère « J'irai cracher ». Boris s'incline. 3 mois plus tard, le 21 novembre 1946, le roman paraît sous le nom de Vernon Sullivan. Et il s'appelle bien « J'irai cracher sur vos tombes ». Immédiatement, la presse s'insurge contre ces pages qu'elle décrit à loisir comme bassement pornographiques, d'une obscénité affolante et qui relate le sombre délire sexuel d'un sadique. Paris, automne 1946. Comme tous les soirs, depuis la fin de la guerre, le quartier latin s'éveille, porté par la jeune bourgeoisie de la rive gauche. Il est à peine 20h et déjà, on se presse au café de Flore. On s'y installe pour boire un verre, lire un bouquin, mais aussi pour être vu, ou peut-être même croiser une vedette, de celles qui font la renommée internationale du quartier et de ses clubs, Juliette Gréco, Pablo Picasso ou Jean Cocteau. Au Domago, tout près de là, la terrasse est prise d'assaut par les azous, reconnaissables à leur style vestimentaire à l'anglaise, et les discussions, là aussi, vont bon train. On parle de la nouvelle sécurité sociale, du droit de vote des femmes, du jazz, bien sûr, et de l'existentialisme, ce courant philosophique lancé par Sartre et Beauvoir, qui en quelques mois est devenu un must pour cette population germanopratine, bobo avant l'heure. La soirée, comme la veille, s'annonce festive, chaude, insouciante, et à la nuit tombée, on se presse au Tabou, un club de jazz réputé. On s'y rend pour la musique, donc, mais aussi pour ces jeux animés par un grand garçon de 26 ans à la longue figure pâle, un certain Boris Vian. Attention, sujet. Le pauvre peuple de France se plaint. À vos marques, prêts, partez. Mais il marche quand même. Changement de gouvernement. Mais le peuple français ne marche plus. Il boite. Au milieu de cette effervescence, Boris Vian est dans son élément. Il faut dire que dans la maison de son enfance, à Ville d'Avray, où il a été élevé par Paul et Yvonne, de joyeux bourgeois anticonformistes, les jeux de langage et la musique étaient omniprésents. Mais à ses 12 ans, l'avenir du jeune Maurice s'assombrit brusquement lorsque les médecins lui diagnostiquent une profonde insuffisance cardiaque. Forcé au repos, alité, le jeune Maurice se tourne alors vers les livres pour échapper à l'ennui. En quelques mois, il engloutit entièrement la bibliothèque de ses parents. Et il découvre, stupéfait, la virtuosité des grands noms de la littérature française. Alors c'est décidé, lui aussi sera écrivain, et il n'y a pas de temps à perdre, car il le sait, il ne vivra pas longtemps. » 15 ans plus tard, à 27 ans, Boris Vian est trompettiste dans un orchestre de jazz amateur et ingénieur à l'Association française de normalisation. Malgré ses nombreuses activités, il a déjà écrit 2 romans. Le premier, Vers Coquin et le Plancton, publié en 1946, et l'année suivante, le deuxième, L'écume des jours. Des récits qui font la part belle à l'imaginaire, à la poésie et aux rêves, et dans lesquels il fait habilement fusionner musique et littérature. Des œuvres inclassables, si ce n'est dans les catégories absurdes ou fantaisistes, qui à l'époque n'ont pas réellement de public. Les 2 romans sont édités chez Gallimard, mais leur réputation ne dépasse pas les frontières de Saint-Germain-des-Prés. Mais pas de quoi décourager Boris. De toute façon, son ambition n'est pas de devenir célèbre, mais bien de créer une littérature nouvelle, comme il l'explique des années plus tard dans une interview. Pour moi, la préoccupation la plus haute de mon temps, c'est de dénoncer les menteurs et les escrocs. Les escrocs du mot, si j'ose dire, les escrocs du verbe, c'est-à-dire les gens qui font de la démagogie verbale, en ce sens qu'il y a actuellement dans les journaux, dans tout ce qu'on peut lire partout, une espèce d'inflation verbale qui tient du discours électoral par tout ce qu'il a de pire, enfin. Il est certain que si on veut faire quelque chose de différent, ce qui est au fond le problème du créateur, ce n'est pas de faire, c'est de faire autrement. Si on veut faire quelque chose de différent, il faut s'attendre à ne pas rencontrer la compréhension tout de suite. Et je crois que le créateur ne doit absolument pas se soucier de l'opinion du plus grand nombre, ni pour la mépriser, ni pour la rechercher. Mais ceux qui connaissent Vian, l'artiste incompris d'une admirable intégrité, connaissent aussi son double, Boris, celui qui se joue des lecteurs, s'invente des pseudonymes et sème le doute sur ses convictions, comme il le fait dans la chronique du menteur qu'il tient dans la revue des temps modernes. Et quand Jean Dalluin lui soumet son idée de pseudo, Boris accepte sans hésiter. Mais pourquoi au juste? Pour l'argent, la blague, le succès? Le mystère aujourd'hui reste entier. Mais les dernières pages du roman, profondément dérangeantes, ouvrent la voie à une autre interprétation. Ici, à travers Sullivan, Vian avait délibérément voulu choquer un public qui admet au demeurant et sans broncher qu'on lynche un nègre pour un crime qu'il n'a pas commis. Ça vous fait toujours autant d'effet de coucher avec des hommes de couleur ? Elle n'a rien répondu. Elle était parfaitement abrutie. Parce que pour ma part, j'en ai plus d'un huitième. Elle a rouvert les yeux. Elle ne comprenait pas. Alors je lui ai tout raconté. Enfin, toute l'histoire du gosse. Comment il était tombé amoureux d'une fille et comment le père et le frère de la fille s'étaient occupés de lui ensuite. Je lui ai expliqué ce que j'avais voulu faire avec Lou et elle. En faire payer 2 pour 1. J'ai pris le revolver de Lou dans ma poche et je lui ai tiré 2 balles dans le cou. Le sang s'est mis à gicler à gros bouillons. Lentement. Par saccades. Je crois qu'elle est morte à ce moment-là. Je l'ai retournée pour ne plus voir sa figure et pendant qu'elle était encore chaude, je lui ai fait ce que je lui avais déjà fait dans sa chambre. Le 21 novembre 1946, sur les étals de la librairie, fleurissent les exemplaires du nouveau polar, celui que l'Amérique n'a pas osé éditer, mais que Boris Vian, lui, a bien voulu traduire. Dès le lendemain, le livre défraie la chronique. Dans les colonnes des journaux réactionnaires, comme la Dépêche de Paris, on fustige le vocabulaire ordurier et les images ignobles, on s'indigne férocement contre la publication d'un texte aussi outrageux. Il paraît que nul éditeur n'a osé publier cette élucubration maladive d'un métis. C'est à l'honneur de l'édition américaine, et il faut déplorer qu'il se soit trouvé en France un traducteur et une firme pour diffuser cette incivilité sénile et malhonnête. C'est sur le livre qu'on peut cracher. Le ton est donné, et les critiques continuent de pleuvoir. Décrire ces scènes de rut avec des mots crus, c'est le comble de la facilité. Une entreprise commerciale, tout au plus, peut-on lire. À la radio, on organise des débats et on invite, entre autres, le directeur du cartel d'action sociale et morale, Daniel Parker, un donneur de leçons liberticide qui, après avoir bataillé pour la fermeture des maisons closes, s'est spécialisé dans la censure des livres qu'il juge immoraux. Eh bien, messieurs, puisque procès Miller il y a, nous vous avons fait venir ce soir aussi bien en tant que juge qu'en tant que témoin. Et si vous le voulez, nous allons passer d'abord la parole à l'accusation, c'est-à-dire à Daniel Parker. Tout d'abord, une remarque. Ces ouvrages sont interdits en Angleterre et en Amérique. Les éditeurs ont d'ailleurs pris la précaution de le mentionner dans leur préface. C'est donc en pleine connaissance de cause qu'ils ont agi. Ils n'ont l'excuse d'aucune circonstance atténuante. Ils ont vu dans la diffusion de ces ouvrages interdits en Angleterre et en Amérique l'occasion de faire une belle affaire commerciale et ils ont saisi cette occasion. Le reste leur importe peu. Je pose la question, allons-nous laisser envahir la librairie française par les ordures rejetées par les autres pays ? La librairie française est-elle un dépotoir ? D'autres y voient au contraire un acte courageux, une œuvre politique qui dénonce sans détour l'extrême violence du racisme en Amérique. Mais si la démarche de l'auteur pose question, on s'interroge rapidement sur son identité. Enfin, qui est ce Vernon Sullivan dont personne n'a entendu parler ? Et pourquoi Vian a-t-il décidé de traduire son roman ? Dès janvier 1947, un journaliste de France Dimanche identifie de frappantes similitudes entre les ouvrages de l'écrivain de Saint-Germain et celui de Sullivan. Le thème des surprises parties, le jazz. Ce à quoi l'ingénieur, en répondant, reste vague. Que pourrais-je vous dire ? Je suis menteur, n'est-ce pas ? Le vendredi 7 février 1947, en plein après-midi, coup de théâtre. L'éditeur Jean Dalloin est arrêté chez lui par des agents de la police judiciaire et escorté jusqu'à la brigade mondaine. Daniel Parker a réussi son coup. Le livre est en passe d'être interdit. Mais si à la sortie de son interrogatoire, Dalloin montre quelques signes d'inquiétude, pour Vian en revanche, l'heure est à la célébration, car la carrière d'un grand écrivain, c'est bien connu, commence toujours par un attentat aux bonnes mœurs. C'est la garantie du succès, et c'est ce que la bêtise crasse des censeurs n'a jamais compris. Et de fait, les exemplaires de J'irai cracher s'écoulent à une vitesse fulgurante. Parker, le moraliste, est gros Jean comme devant. Mais le 28 mars 1947, un fait divers sordide vient perturber la fête. Un certain Edmond Rouget a étranglé sa compagne, Anne-Marie Masson, dans un hôtel de Montparnasse. Dans la chambre, près du cadavre, la police retrouve le roman sulfureux, oui, ouvert à la page du meurtre de Lou. Les journaux du soir se jettent alors sur l'occasion. Boris Vian devient celui qui a mu le bras du meurtrier, l'inspirateur de crime et même l'assassin par procuration. Le jeune auteur a beau s'insurger contre cette presse-là et se défendre dans deux tribunes, il ressort profondément affecté par l'affaire. Comme le raconte François Roulman, spécialiste de l'œuvre de Boris Vian, dans l'émission Une histoire particulière sur France Culture. Tout ce qui est procès, Ligue d'action morale, Daniel Parker, tout ça, c'est assez terrible pour Boris Vian, parce que il y a eu ce scandale d'Anne-Marie Masson et de l'hôtel à Montparnasse qui est réel, et en fait c'est Vernon Sullivan qui est en cause. Ce n'est pas encore Boris Vian à ce moment-là. Mais le piège se referme sur lui, assez rapidement. Sur Boris Vian. Exactement. Sur le traducteur, puisque c'est le seul interlocuteur. Et pour la première fois, la farce se retourne contre Vian. Il ne le sait pas encore, mais ce canular, imaginé sur un bout de trottoir, ne cessera de le poursuivre tout au long de sa courte vie et même jusqu'à son dernier souffle. Au matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on trouve un Beaujolais vrai de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie, alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des veines. Ne t'ostine pas ou sans ça le prochain coup. Ma parole, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là. On a trépassé le soir, mais voilà. On se retrouve au paradis vers minuit, devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement. Paris, avril 1947. Cela fait 3 ans déjà que la capitale a été libérée des Allemands, mais la société française d'après-guerre peine à retrouver sa cohésion. Il faut dire qu'à l'humiliation de la défaite infligée par la Wehrmacht aux troupes françaises en 1940, s'ajoute la gêne de n'être soumis pendant 4 ans à l'envahisseur. Et si tout le monde se souvient des scènes de liesse et des explosions de joie de la libération, personne n'a oublié l'irrépressible vindicte populaire qui a suivi, ces femmes tondues sur la place publique, et les quelques 9000 exécutions sommaires de celles et ceux qu'on accusait d'avoir collaboré. Ambiance à la fois délétère et compréhensible. En 1947, les tribunaux ont pris le relais. Les procès de Pétain, de Laval et de quelques 95 000 collabos posent les premières pierres, dit-on, de la reconstruction. Le gouvernement du président Auriol, soucieux de réduire rapidement la fracture entre les Français, vote la première loi d'amnistie où se glissent quelques articles concernant les collaborateurs condamnés. Et si cette loi concerne, on l'imagine aisément, un public assez large, l'article 17 précise que l'amnistie s'applique au seul cas de personnes condamnées pour avoir écrit ou distribué des documents contraires aux intérêts du peuple français. Ainsi, J'irai cracher sur vos tombes, son éditeur et son traducteur présumé sont-ils amnistiés dans la foulée, et encore une humiliation pour le censeur Parker. En quelques mois, J'irai cracher devient même un best-seller. On l'achète pour parcourir ses pages scandaleuses, pour juger en connaissance de cause de l'étendue du mal, ou tout simplement pour ses qualités littéraires. Comme l'explique Philippe Boggio, l'un des biographes de Boris Vian, en 1997 sur France Culture. Il y a une pureté dans ce texte que longtemps personne n'a voulu voir, parce que c'était simplement une imitation des romans policiers américains. Pureté, de quelle pureté parlez-vous ? De la juste méchanceté qu'on doit et qu'on peut avoir par rapport à la vie, quand on vit, et quand on vit comme lui avec le cœur fatigué, quand on est en colère et qu'on ne peut pas toujours l'exprimer, quand on vit dans une démocratie, c'est quand même la vie parlementaire française qui reprend ses droits. Les Français ont perdu la guerre, il y a des collections d'amertume, il y a une rage dans les personnages finissants de Vernon Sullivan, un écœurement de la vie qui me paraît... très authentique, très fort. Ces personnages sont des gens qui sont en sursis, mais en sursis de quelques heures ou de quelques jours. Ce sont des fuyards, ils ont la police aux fesses. Il y a un rapport au sexe qui est mortel. Ça, pour ces années-là, je crois que c'est extraordinaire en France. Au printemps 1948, pour Boris Vian et son éditeur et ami Jean Dallouin, le canular fonctionne donc à plein régime et l'argent coule à flot. Les éditions du Scorpion ont vendu 100 000 exemplaires pour un butin de 2 millions de francs. Boris en profite pour quitter son poste d'ingénieur et annonce la traduction d'un nouveau roman intitulé « Les morts ont tous la même peau » dont le personnage principal, triple assassin, s'appelle Dan Parker. L'évidente provocation ne semble pas faire peur à Boris, qui se sent visiblement protégé par son double. Mais s'il se cache derrière l'auteur fictif, c'est bien lui qui prend un risque en adaptant « J'irai cracher sur vos tombes » au théâtre. Il a fallu 1 an à Boris pour monter cette pièce au Verlaine, rue Rochechouart. Le 24 avril 1948, au lendemain de la première dans son appartement du Faubourg Poissonnière, Boris ouvre les journaux et scrute les colonnes à la recherche de son nom. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Moi, j'approuve plutôt Boris Vian de jouer ce bon tour aux petits et grands libidineux en quête de sensations impures. Ah, vous espériez des viols. Ah, vous vouliez un pâté d'obscénité en croûte. Vous n'aurez que du croustillé avec dedans, rien ou presque rien. Un léger déshabillage de jeune fille sur un lit, une strangulation en coulisses, une misère. Cet article du Franc-Tireur reflète assez bien le reste des critiques sur la pièce. La presse est unanime, l'adaptation est décevante. En cause, l'absence de scènes de sexe et de violence. Les actrices ne sont pas assez nues, les spectateurs restent sur leur faim. Pour Boris Vian, c'est la douche froide. Lui qui avait choisi de dénoncer la violence, de la ségrégation et d'insuffler de la poésie au texte d'origine, se retrouve à nouveau pris à son propre piège. La brutalité, le sexe, il n'y a que ça qui les intéresse. Un coup a donné encore plus d'urticaire à un certain Parker qui a décidément tout faux, enfin presque. Car le 24 novembre, Boris Vian est convoqué au tribunal. L'écrivain comprend que Daniel Parker, devenu la risée de la rive gauche, a mis les bouchées doubles. Il a dénoncé aux autorités la réédition du roman, qui de fait n'est plus protégé par l'amnistie de 1947. Deux ans après sa publication, l'écrivain doit faire tomber le masque. L'auteur de « J'irai cracher sur vos tombes », c'est lui. Le 29 avril 1950, le procès du roman, de son auteur et de son éditeur, s'ouvre à la 17e chambre du tribunal correctionnel de la Seine. Pour éviter de faire de la publicité à l'ouvrage et d'avoir à lire les extraits du roman en public, le parquet a décidé que la séance se tiendrait à huis clos. Le substitut du procureur de la République, qui a pour mission, rappelons-le, de défendre l'intérêt de la société devant les tribunaux, entame son réquisitoire face au président de l'Assemblée, aux accusés et à leurs avocats. Le roman, dit-il, n'a rien d'une œuvre littéraire. Ce n'est ni un roman social, ni un roman psychologique, et encore moins un roman de mœurs. Le portrait qui est fait de la jeunesse américaine se résume à des pratiques de débauche. Boire, faire l'amour et tuer à tous les carrefours. Vous remarquerez que faire l'amour devient débauche. La psychologie des personnages, autant que le thème de l'homme métis hanté par son ascendance, sont à peine esquissés. Il ne s'agit donc pas de littérature, mais bien d'une entreprise commerciale, profondément immorale et dangereusement subversive, comme en témoigne cet extrait que le substitut, après s'être éclairci la voix, choisit de lire à l'Assemblée. Je n'avais pas encore bougé. Je regardais la rouquine se lever. Elle devait avoir un peu plus de 12 ans. Elle avait des fesses bien rondes sous sa jupe trop courte. Je savais que Dex me regardait. « Je prends la rousse, me dit-il. Vous savez ce que nous risquons, la tôle, pour ça ? C'est la couleur de sa peau qui vous gêne, me lança-t-il brusquement ?» C'est ça qu'il me réservait. Il me regardait toujours avec sa mèche sur l'œil. Il attendait. En moins d'une minute, il était déshabillé, prit l'enfant sur ses genoux en lui relevant la jupe. « Vous n'allez pas me faire de mal, dit-elle. » « Laisse-toi faire, répondit Dexter, sinon pas de dollars. » Il lui fourra la main entre les jambes et elle se mit à pleurer. Loin d'être prise au dépourvu, la défense s'indigne et invite le président à considérer l'ensemble de l'œuvre et le but symbolique poursuivi par l'auteur. Maître Georges Isard cite alors Flaubert, Baudelaire, Descartes et même Galilée, tous condamnés avant d'être célébrés, en martelant qu'il est crucial pour la société de garantir l'immunité de l'écrivain face à la justice. Enfin, l'avocat présente une pétition signée par des plumes de renom, Marcel Achard, Jean Anouilh et Jean Cocteau, entre autres, dans laquelle ces derniers s'inquiètent de constater que tout précédent ne constituerait qu'un péril redoutable pour l'indépendance des lettres sur les plans moraux, politiques et religieux, je cite. Mais les arguments éthiques ne suffisent pas à faire oublier la scène de viol sur mineur. Boris Vian et Jean Dalloin sont donc condamnés à une amende de 100 000 francs pour outrage aux bonnes mœurs par la voix du livre. Les exemplaires du roman sont saisis et détruits. L'ouvrage est officiellement interdit. Si Vian s'indigne publiquement et s'emporte dans les journaux face à l'absurdité de la condamnation, son avocat n'est pas inquiet. Et ce dernier l'encourage à faire appel et met tout en œuvre pour faire traîner les démarches. Trois ans plus tard, comme Maîtrisard l'avait prédit, une nouvelle loi d'amnistie est promulguée par le président de la République, Vincent Auriol, qui blanchit cette fois tous les délits commis avant l'année 1953. La République française rend témoignage à la résistance, dont le combat au-dedans et au-dehors des frontières a sauvé la nation. C'est dans la fidélité à l'esprit de la résistance qu'elle entend que soit aujourd'hui dispensée la clémence. L'amnistie n'est pas une réhabilitation, ni une clémence, pas plus qu'elle n'est une critique contre ceux qui, au nom de la nation, eurent la lourde tâche de juger et de punir. Grâce à l'habileté procédurière de son avocat, le livre est amnistié pour la seconde fois. Si au départ des poursuites, et ces poursuites l'ont amusé, et surtout le balai d'incénité qui en a découlé, le procès de 1950 et celui de 1953 ont épuisé l'auteur. L'affaire qui dure depuis 7 ans lui a fait perdre ce qui a de plus de valeur à ses yeux, son temps, son énergie, et un peu sans doute sa légèreté. À 33 ans, la maladie prend peu à peu le dessus. Son cœur montre des signes de faiblesse, il est constamment essoufflé, de plus en plus pâle. Mais ce qui ronge Boris, au-delà de la maladie, c'est de constater que si tout le monde lit Sullivan, ses livres à lui ne se vendent pas. Quand J'irai cracher atteint les 120 000 exemplaires, il n'y en a pas 1000 ou 2000 qui sont vendus, de l'écume des jours, pardon, qui sont vendus par Gallimard. Quand sort L'automne à Pékin aux éditions du Scorpion, à peu près 6 mois après J'irai cracher sur vos tombes, ça passe totalement inaperçu. L'Herbe Rouge en 50, pourtant on lui fait de la publicité dans les journaux, ça ne sort même pas de chez l'éditeur. Donc J'irai cracher et les autres Sullivan, quand même j'insiste, parce que 4 Sullivan, c'est pas par hasard, c'est qu'il y avait une manne et que on pouvait entretenir ça. On a entretenu ça jusqu'en juin 50. Et à côté de ça, l'arrache-cœur, au début 53, il paraît 5 jours avant un certain attrape-cœur de Salinger en première édition française. Oui, oui, ça, c'est des choses qu'on a complètement oubliées. Manque de peau, quoi. Enfin, ça a jamais bien marché, sa littérature. Il lui-même disait, ça suffit, personne veut de mes histoires, je voulais être un écrivain, donc je passe à autre chose. En 1953, Boris Vian semble donc bien décidé à tirer un trait sur Vernon Sullivan. Et lorsqu'un certain Jacques Daupagne, fervent admirateur du roman maudit, lui propose de l'adapter au cinéma, Vian refuse. Mais le scénariste insiste et flatte son interlocuteur en insistant sur la qualité cinématographique du récit, tant et si bien que l'écrivain finit par se laisser convaincre. « 23 juin 1959, 10h du matin, cinéma Marbeuf, dans le 8e arrondissement de Paris. Boris Vian et Jacques Daupagne se sont donné rendez-vous pour assister à une projection privée du film, enfin terminée, et sur le point de sortir en salle. 6 ans se sont écoulés depuis leur première rencontre. 6 années pendant lesquelles Boris a porté à bout de bras ce projet d'adaptation dont il a coécrit le scénario, avant d'en être dépossédé par diverses sociétés de production. Enfin, l'écran s'allume. » Boris s'enfonce dans son fauteuil, les premières scènes défilent, et immédiatement c'est la douche froide. Le film est un aveu. L'écrivain peste contre sa mise en scène, fulmine contre le choix des acteurs. « Enfin, ces gars-là sont américains comme mon cul », dit-il. L'instant d'après, il cherche son air, s'agite, le regard terrifié, puis s'écroule. Boris Vian, 39 ans, s'éteint 2 heures plus tard à l'hôpital Laennec. Voici l'animateur du lieu, l'âme damnée des lanceurs de mode, le romancier scandaleux de J'irai cracher sur vos tombes, j'ai nommé Monsieur Boris Vian. Oh surprise, je m'attendais à voir en le rencontrant un personnage d'allure satanique. Je trouve un doux jeune homme blond, au teint laiteux, à l'œil candide. Parce que tout ce que je fais, je le fais en toute innocence, que les gens sont souvent très surpris, évidemment. Je ne me rends pas compte. Alors les romans, scandale. Ah ben, vous comprenez, pour moi, ça n'a rien de scandaleux, c'est peut-être pour ça que j'ai fait ça en toute innocence. Parce que vraiment, quand on parle des choses simplement et sans y attacher d'importance, on ne voit pas pourquoi les gens se choquent. S'ils se choquent, c'est vraiment qu'ils ont une mauvaise conscience, à mon avis. En écrivant « J'irai cracher sur vos tombes », Vian a sans doute voulu se jouer du grand public qui boudait ses romans. J'ai essayé de raconter aux gens des histoires qu'ils n'avaient jamais lues. Conneries pures, doubles conneries. Ils n'aiment que ce qu'ils connaissent déjà, disait-il dans une interview. Mais finalement, c'est le monde littéraire qui lui a tourné le dos. Jamais plus après la sortie de J'irai cracher sur vos tombes, Gallimard n'acceptera le moindre de ses manuscrits. Et si la postérité lui rendra finalement hommage, de son vivant, Boris Vian ne fut jamais considéré comme le grand écrivain qu'il est aujourd'hui. Il serait pourtant réducteur de considérer la facétie « J'irai cracher sur vos tombes » comme un vulgaire canular. À travers Sullivan, Boris a pu exercer sa plume à d'autres styles et mettre en scène les thèmes qui lui étaient chers, comme la violence du racisme, et ce, bien avant la naissance du mouvement des droits civiques en Amérique. Boris Vian, l'éclaireur. Je ne voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver. Les singes à cul nus, dévoreurs de tropiques. Les araignées d'argent nitruffées de bulles. Je ne voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu. Si le soleil est froid. Si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coins tout bizarres, je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine si je savais que j'en aurais l'étrenne. Il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Le fond vert de la mer où valsent les brins d'algues sur le sable ondulé. L'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères et les baisers de sel que ceci, que cela. La belle que voilà, mon ourson, Ursula. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles. La journée de 2 heures, la mer à la montagne. La montagne et la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur. Tous les enfants contents, et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes, des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs. Tant de choses à voir et à s'entendre. Tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi, je vois la faim qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche. Je voudrais pas crever. Non, monsieur. Non, madame. Avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, j'irai cracher sur vos tombes de Vernon Sullivan, qui est donc, en réalité, Boris Vian. Notre invité, Christelle Gonzalo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes propriétaire d'une librairie sur le fil de Paris, c'est le nom, spécialisée dans les livres anciens sur la ville de Paris, située dans le Marais. Vous êtes aussi spécialiste de l'œuvre de Vian. Vous avez rédigé en 2010 avec François Roulman, votre conjoint, la notice pour l'édition des romans de Vian en Pléiade, et vous avez écrit un livre intitulé « L'anatomie du bison, chrono-bio-bibliographie de Boris Vian », paru aux éditions des Cendres en 2018. Chrono-bio-bibliographie, tout ça dans le même livre ? Rien que ça. Bon. Qu'est-ce qui vous fascine chez Boris Vian ? D'où vient cet intérêt particulier pour cet auteur-là ? Je suis tombée dedans à l'adolescence et j'ai eu la chance de ne pas l'approcher de manière trop scolaire. Avec quel livre, pardon ? Avec L'Arrache-cœur. L'Arrache-cœur, d'accord. Voilà, qui est pas forcément le livre qu'on lit en premier. Non. Tout le monde commence par L'écume des jours. J'ai commencé par L'Arrache-cœur, je suis restée époustouflée par le... les jeux de mots, les personnages complètement déconnants, l'univers onirique et merveilleux et effrayant. Et partant de là, j'ai lu à peu près tout ce qui pouvait se lire à l'époque et j'ai jamais arrêté. Bon. Et la recherche de photos, de lettres, d'articles, de gribouillages de gens qu'on voit dans le livre, où il y a des listes, des notes intimes. C'était difficile à recueillir tout ça, à collecter. Alors ça, il faut remercier mon compagnon François Roulemann qui qu'on a entendu dans le récit d'ailleurs. Voilà, absolument. qui collectionne depuis l'âge de 20 ans, grosso modo, tout ce qui a trait à Vian. Et donc en 30 ans de collection, il a réussi à réunir un nombre incalculable de documents et on s'est fait vraiment plaisir sur 5-6 ans à travailler sur ce livre en décryptant et en faisant un choix parmi cette collection. Et la valeur ajoutée, c'est la collection. Je dis ça parce qu'il y a eu beaucoup de biographes de Boris Vian. On a entendu, là encore, dans le récit, quelques-uns d'entre eux. Oui, il y en a eu un certain nombre. Le premier, le plus célèbre, c'est Noël Arnaud avec Les Vies Parallèles de Boris Vian, en 66. Et depuis, il y a pas mal de biographies, mais qui étaient très narratives, un peu dramatisées. Nous, ce qui nous a plu, c'est de faire quelque chose de beaucoup plus sec, mais de beaucoup plus scientifique, autant que cela puisse l'être. En mêlant la chronologie de la vie de Vian à son œuvre. Et donc, partant de là, on se rend compte que le même jour, un de ses romans paraît, il va jouer du jazz, la journée il est ingénieur. On se rend compte de la densité de sa vie et de l'entrelacement parfait avec son œuvre. Quel genre de personnage était-il ? Est-ce que c'était un torturé ? Oh, je pense, oui. Ouais, ça y ressemble. Voilà, ça y ressemble. Il fait beaucoup de pieds de nez, de pirouettes quand on l'entend dans les interviews, notamment dans les extraits que vous avez passés. Il a eu quand même des grosses périodes de déprime, voire de dépression, notamment au tournant des années 50, avec l'insuccès de ses romans, des problèmes personnels. On le voit dans sa correspondance avec ses amis ou avec sa première femme. Il est assez torturé, oui. Parce que justement, le fait de faire des pirouettes quand il répond à des questions, ça peut être considéré comme une défense, hein, mettre à distance le danger. Vernon Sullivan, c'est ça aussi. Il se protège. Il y a un besoin de protection. Si oui, pourquoi ? Je pense qu'au départ, c'est surtout la blague. La blague et l'appât du gain, de manière très... Ah oui, c'est plus prosaïque. Oui, je pense que c'est pour ça. Il avait l'habitude, en famille, de toute façon, d'utiliser, de jouer avec les mots. Il utilise des pseudonymes des très très très jeunes, Bison Ravi qu'on connaît, mais il y en a des dizaines d'autres. Donc il y a ce double, mais qui est plutôt un double de jeu au départ, en fait. Et je pense que la protection, elle est même pas venue après, puisque tout le monde a su très très vite que Vernon Sullivan et Boris Vian ne faisaient qu'un. Et dans votre ouvrage, on trouve cette lettre écrite par Vian pour sa femme, Michel, dans laquelle il écrit donc en janvier 1950 « J'ai fini mon Sullivan et je suis très content, bien que ça soit d'une connerie hurlante. Mais ça baise, c'est l'essentiel. Et à la fin, tout le monde meurt, ou presque. » Alors, il fait sans doute référence à un autre ouvrage écrit sous le nom de Sullivan, à savoir « Elle ne se rend pas compte », c'est ça ? C'est ça, absolument. Ça, en fait, il en écrit 4. Les deux premiers sont quand même très sérieux et assez engagés pour la cause des Noirs américains. Le troisième flirte avec la science-fiction et commence à déconner. On voit beaucoup plus l'écriture de Vian. Le troisième s'appelle « Et on tuera tous les affreux ». Quant au dernier, donc celui que vous citez, c'est « Elle se rend pas compte ». Et alors là, c'est absolument déconnant. C'est beaucoup plus un Vian qu'un Sullivan. Sous couvert de polar, on se marre beaucoup plus qu'on a peur. On a l'impression que le fait de tourner en dérision tout ce qui se veut sérieux, c'est pour lui la plus sérieuse des affaires. En gros, je conteste, donc je suis... Mais qu'est-ce qu'il conteste ? Une société corsetée ? Oui, bien sûr, on est dans des années d'après-guerre assez compliquées où à la libération des corps et des esprits, tout ça est vite transformé parce que dès la fin des années 40, il y a on l'a vu avec Daniel Parker, et puis il y a toute la mouvance des Sartre, il y a Camus, il faut s'engager politiquement, et Vian est un peu en décalage par rapport à ça, mais lui-même dans ses écrits se montre assez véhément contre les anciens combattants, contre la ségrégation, contre... Mais il n'est pas prophète dans ses dires. Ce sont des opinions personnelles qu'il véhicule par les médias, mais sans en faire cas. Est-ce qu'on peut dire que toute cette population germanopratine, c'est un peu l'ancêtre des bobos d'aujourd'hui? Alors, sauf qu'ils avaient, à mon avis, beaucoup moins d'argent. Donc, ils se réunissaient, effectivement, notamment à Saint-Germain, mais c'était mais avec des idées progressistes, quand même. Alors, moins d'argent, peut-être, mais... Oui, il y avait effectivement pas mal de... Des branchouilles, quoi. Des couples libres, il y avait... des capacités artistiques qui pouvaient s'exprimer un peu n'importe comment dans les clubs. On disait des poèmes lettristes. Il y avait le jazz, forcément, qui était vraiment la musique de la jeunesse. Par rapport aux bobos, je sais pas. Ça reste à définir. Bon, c'est un peu anecdotique. On va écouter M qui chante Cinématographe, chanson de Boris Vian, évidemment. J'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma. Moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère. Se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ces 3 francs. Belle, belle, belle, belle, belle comme l'amour. Blonde, blonde, blonde, blonde, blonde comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément. Les mains se cherchent, les mains se trouvent. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume. Ah, mercredi prochain. Maintenant, ce n'est plus mon papa qui peut m'emmener au cinéma, car il plante ses choux là-bas, pas loin de Saint-Cucufa. Oh. Mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça. Elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr, c'est devenu le cinéma-score. Mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de bœuf bol sans foi ni loi, et des justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Gare, gare, gare, gare, gare et compère s'approche du rabat d'enfer. Fais attention, pauvre crétin, mais la lame n'est pas très loin. À 500 mètres, il loge une balle dans un croûton de pain. Où elle se croit en sûreté, ne m'empêche pas ma foi d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu si Gary sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, rappelle-toi, on est resté 1 an et on a eu beaucoup d'enfants. Christelle Gondalo, la question qui brûle les lèvres quand on parle de Boris Vian, c'est sa consécration en tant qu'écrivain, mais une consécration posthume. Et pourquoi donc ? Il n'a pas eu de chance. Oui, si. D'abord. Oui, déjà. Quand il écrit J'irai cracher sur vos tombes, il a déjà 2 romans dans les tuyaux Gallimard, Vers coquin et le plancton et L'écume des jours. Oui. L'écume des jours peut gagner un prix Gallimard qui s'appelle le prix de la Pléiade, qui est décerné sur manuscrit à un écrivain Gallimard. il manque le prix de la Pléiade, et les deux romans seront publiés après J'irai cracher sur vos tombes, alors qu'ils ont été écrits avant. Mmh. Ils sont publiés en début de l'année 47. Et Vers qu'aucun marche un petit peu, L'écume des jours pas du tout. Il rate l'air du temps, il est pas peut-être pas assez engagé, il est trop poétique, il a une écriture assez à la Queneau qui ouais. Bon, qui visiblement ne trouve pas son public dans ces années 47. Et étonnamment, en 62-63, L'écume est republiée. On le trouve chez Pauvert, et en 10-18. Et là, la jeunesse du début des années 60, qui n'est plus du tout la même que la jeunesse de 47, découvre Boris Vian. S'entiche de Vian. Ouais. Voilà, absolument. Et s'entiche de lui, surtout. Il s'entiche de Vian, du personnage, des jeunes héros de l'écume des jours, qui sont, beaux, formidables. Colin et Chloé, candides, et qui, ouais. À qui il arrive des malheurs, absolument, la fatalité tombe sur eux. Et ces héros très jeunes des romans de Vian, et puis le personnage de Vian, donc, qui est mort tragiquement, comme vous l'avez dit, à 39 ans, quasiment dans la fleur de l'âge, même s'il était malade depuis longtemps. Donc cette mixture a fonctionné dans les années 60, à tel point qu'on le retrouve dès le début des années 70 étudié à l'école. Eh oui, je m'en souviens. Voilà, je m'en souviens. On n'en dira pas plus. J'avais beaucoup aimé J'irai cracher sur vos tombes. L'écume des jours, c'était tombé des mains. Vous n'avez pas étudié J'irai cracher sur vos tombes à l'école. Non, mais on a étudié en revanche L'écume des jours et puis très longtemps. Enfin bon, aujourd'hui, vos clients, en librairie, vos jeunes clients notamment, recherchent Boris Vian. Je vais vous poser la question de façon un peu triviale, mais ça se vend bien, Boris Vian? Oui. Ouais, vous en faites la promotion, évidemment, bien j'imagine, sûr. Mais dans une librairie qui ne serait pas tenue par des gens qui sont des spécialistes de Vian, mais vous avez des consoeurs, des confrères qui doivent vous en parler, ça se vend bien. Donc ça, c'est un auteur à la mode encore aujourd'hui. À la mode, peut-être pas, mais en tout cas, il y a une certaine partie d'un lectorat jeune qui va chercher chez Vian des rébellions, des espoirs, des interrogations qui trouve toujours dans L'écume des jours, notamment, et éventuellement aussi dans L'arrache-cœur, moins dans d'autres romans, mais oui, il y a toujours des jeunes qui lisent Boris Vian. Et vous, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait entrer dans l'univers de Boris Vian, qui n'aurait pas lu Boris Vian? Ça, c'est une vraie question que je pose à un libraire. À une libraire. Alors, moi, je conseille L'herbe rouge parce que c'est mon préféré depuis quelques années, mais bon. Bien sûr. Et pourquoi c'est votre préféré? Qu'est-ce qu'il a, L'herbe rouge? Qu'est-ce qu'il a, L'herbe rouge? Alors, il mêle la science-fiction, que j'aime bien, au style un peu déconnant de Vian, et on voit un personnage complètement désabusé qui va creuser dans ses souvenirs. Il retourne à l'école, il retourne à la messe, il veut se vider de tous ses mauvais souvenirs d'éducation. Justement, pour devenir un homme vide et neuf. Et il meurt. Bon. Et les Sullivan, vous... J'ai fait un spoil. Ouais, bon. Mais c'est des classiques aussi. Pas grave. Et les Sullivan, alors la série des Sullivan, vous les aimez? Et pourquoi? Alors, si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît? Je les aime parce qu'on a... À première lecture, en tout cas, on ne voit pas vraiment la patte de Vian. Il y a pas, c'est vraiment, il a voulu imiter les thrillers américains et il a très bien réussi, au moins sur les deux premiers, même s'il a mis des petites touches un peu vianesques. Ça marche très bien. En tant que polar, on est pris dans l'histoire, on a envie de vengeance, comme Lee Anderson a envie de vengeance. On déteste les deux filles Askis qui sont des héritières de plantations et voilà, on suit vraiment le narrateur et on est dans l'ambiance. On est dans une ambiance noire américaine. Ouais. Alors bon, l'Amérique est à peine esquissée, mais c'est pas grave, on s'en fiche, c'est l'histoire qui compte. Et finalement, on l'a aimé pour l'écrivain qu'il était, le personnage aussi, mais quand on parle d'écrivain, on parle d'écriture, on n'a pas beaucoup de temps, quelques secondes, mais quel jugement vous portez sur son écriture? Je ne parle pas d'autre chose, son écriture. Elle est extrêmement particulière. Il a récupéré sans doute chez des gens comme Raymond Queneau et peut-être un peu avant des Jarry, un jeu avec l'écriture. L'écriture est une manière de s'amuser, les mots créent des objets, créent des personnages, et c'est très important. Des images et des mots et des jeux de mots, effectivement. Merci infiniment, Christelle Gonzalez. Avec plaisir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. J'irai cracher sur vos tombes. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florent Bujon.